الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد nous nous retrouvons ce soir afin d'entrer dans ce que nous avions annoncé il y a maintenant plusieurs semaines à savoir l'explication du chapitre Amma, en se basant donc sur l'exégèse du Cheikh Ibn al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc on va essayer de traduire les explications qu'il a données des deux dernières parties du Coran, composant donc ce que l'on appelle le chapitre Amma, qui contient deux parties, sachant que, comme vous le savez, le Coran est composé de 60 parties. C'est ce que l'on appelle donc communément Stin Hizb. Quand vous entendez Stin Hizb, ça veut dire 60 parties. Vous entendez certaines personnes dire un tel, il a Stin Hizb. Ça veut dire qu'il a mémorisé le Coran en entier, bien que souvent il y a du laisser aller dans cela et qu'il suffit que la personne récite de mémoire certaines sourates que les gens derrière lui ne connaissent pas pour que ces derniers considèrent qu'il a mémorisé le Coran dans son intégralité. Mais là n'est pas le sujet. Ce qui nous concerne donc ici, c'est le fait d'expliquer en quoi consiste ce que nous appelons ici le chapitre Amma. Donc, partant de là, on a 30 chapitres. Hein. Chaque chapitre est composé de deux parties, ce qui nous fait donc 60 parties dans le Coran. Et le chapitre, donc, c'est le chapitre Amma, Juz Amma, qui débute par la sourate An-Naba. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire part de la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet. Premièrement, c'est en général le chapitre qui est mémorisé en premier. Et la plupart d'entre nous mémorisent tout ou partie ce chapitre, le chapitre Amma, en commençant par les sourates courtes. Après la Fatiha, généralement, on mémorise les sourates courtes à partir de la sourate Al-Zalzala jusqu'à la sourate An-Nas. Et également, parmi les raisons, le fait que la majorité de ces sourates, sourates composant le chapitre Amma, sont des sourates qui sont mécoises. Et on a défini ce qu'est le Coran mécois, le différenciant du Coran médinois. Et nous avons expliqué que ce qui est mécois, c'est ce qui a été révélé avant l'émigration, alors que ce qui est médinois est ce qui a été révélé après l'émigration, après l'Hégire. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à la Mecque au moment de la révélation. Et nous avions vu également qu'il y a différents avis chez les ulama concernant la détermination de ce qui est mécois et de ce qui est médinois. Et on trouve généralement, dans ce qui est mécois, l'appel au monothéisme, l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mention du paradis et de l'enfer, et certaines de leurs descriptions. Et c'est justement sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait au début de l'avènement de sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. À ce sujet, Aïcha radiallahu anha a dit, comme l'a recueilli Al-Bukhari dans son authentique, première des choses qui ont été révélées, littéralement descendues, sont des sourates du Mufassal, contenant la mention du paradis, Al-Jannah, et de l'enfer, Al-Nar. Et c'est lorsque les gens ont été ancrés dans l'islam, que le licite al-halal et l'illicite al-haram ont été révélés, littéralement descendus. Donc ce qui a trait au licite et à l'illicite, al-halal ou al-haram, a été révélé, donc littéralement descendu. Mais si la première des choses qui avait été révélée avait été ne buvez pas ce qui est enivrant, les gens auraient dit, nous ne le délaisserons pas. Et si la première des choses qui avait été révélée avait été ne forniquez pas, les gens auraient dit, nous ne délaisserons jamais la fornication. Et a été révélé à la Mecque, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que j'étais une petite fille qui jouait encore, balissa'atu maw'iduhum, wassa'atu adha wa amar. L'heure dernière est plutôt leur rendez-vous. Et l'heure dernière est plus amère. La traduction approchée du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux sourates d'Al-Baqarah et de An-Nisa, elles lui ont été révélées alors que j'étais marié avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est là, je vous invite à revenir vers Al-Fath, Fath al-Bari, le commentaire de l'authentique d'Al-Bukhari, composé par le grand érudit Ibn Hajar, le volume 8 à la page 657 pour plus de renseignements à ce sujet. Et c'est là donc quelque chose d'important. Et comme le dit le cheikh Ali Nasir al-Faqihi, c'est là une méthodologie que doivent suivre les prédicateurs. Insister donc en premier lieu sur le monothéisme, l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid, et également la mention du paradis, al-jannah, et de l'enfer, afin que la foi soit bien ancrée dans le cœur des gens. Il est donc opportun ici de choisir l'explication de ces quelques surat et verset en demandant l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Bismillahir Rahmanir Rahim Amma yatasa'alun anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Dans la traduction, qui je l'espère est approchée du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux qui fait largement miséricorde. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement? À propos de la grande nouvelle, au sujet de laquelle ils divergent, Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et des montagnes, des piquets? Nous vous avons créé par couple et avons désigné votre sommeil pour repos et avons fait de la nuit un vêtement et avons assigné le jour pour vaquer aux affaires de la vie et avons construit au-dessus de vous sept solides et avons placé une lampe très ardente et avons fait descendre des nuées, littéralement des essoreuses, une eau abondante pour faire repousser par elle grains, plantes et jardins s'entrelaçant. On a déjà parlé de Al-Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Amma yatasa'aloun. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Dans le sens où, à propos de quoi ces gens-là traitant le Coran et autre que le Coran de mensonge s'interroge-t-il? Puis Allah Azza wa Jal a lui-même répondu à cette question en disant عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. À propos de la grande nouvelle au sujet de laquelle ils divergent. Cette grande nouvelle, Al-Naba, c'est ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme preuve évidente et indice de la bonne direction. Surtout, ce qui a trait aux informations relatives au jour dernier, al-yawm al-akhir, à la résurrection, al-ba'th, et au jugement, al-hisab, al-jaza, la rétribution. En effet, les gens divergent à propos de cette grande nouvelle avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Parmi eux, il en est qui y apportent foi et qui en sont convaincus. Parmi eux, il en est qui y mécroient et qui la traitent de mensonge. Et parmi eux, il en est qui sont dans le doute à son sujet. Allah subhanahu wa ta'ala a donc clairement exposé que ces gens-là qui crient au mensonge sauront de manière certaine que ceux qui traitent de mensonge est la vérité. Et ce, lorsqu'ils verront le jour du jugement, yawm al-qiyamah. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. Le jour où son aboutissement viendra, ceux qu'il avait auparavant délaissés, négligés, diront les messagers de notre Seigneur souverain ont certes apporté la vérité. Allah, pureté à lui, a dit كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. La deuxième phrase vient confirmer la première, dans le sens, elle vient confirmer le sens de la première. Même si, au niveau de la terminologie des grammairiens, on ne peut pas considérer que c'est là une confirmation, tawkid. Pourquoi? Car cette seconde phrase est séparée de celle qui la précède par une conjonction de coordination. Thumma. Et la confirmation est tawkid. Elle ne peut pas être séparée de ce qu'elle vient confirmer au niveau grammatical. Mais ce qui évolue ici par le fait de dire que c'est une confirmation, c'est au niveau du sens. Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun. Eh bien non, ils sauront bientôt, encore une fois, non, ils sauront bientôt. Et ce qui est visé par le savoir qu'Allah leur a promis, c'est la certitude. la certitude qu'ils auront conformément à ce dont ils avaient été informés. Puis Allah l'exalté a clairement exposé les bienfaits dont il a comblé ses serviteurs. Et ce, afin de les mener vers la reconnaissance, shukr, afin de mener ses serviteurs à être reconnaissants à son égard, azza wa jal, du fait qu'il les a comblés de tous ses bienfaits. C'est ainsi qu'il a dit, alam naj'alil arda mihada. N'avons-nous pas fait de la terre une couche? Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la terre une couche aplanie pour les créatures. Dans le sens où elle n'est pas dure. Aucun cas, les créatures n'auraient pas pu y semer quoi que ce soit. Et n'auraient pas pu y marcher si ce n'est avec difficulté. Cette terre n'est pas non plus trop molle, malléable. Elle n'est pas mouvante. Auquel cas, ils n'auraient pas pu en tirer profit. Et ils n'auraient pas pu s'y établir. Mais elle est plutôt aplanie. En fonction des intérêts des créatures et de ce qui leur est profitable. Alam naj'alil arda mihada. N'avons-nous pas fait de la terre une couche? Wal jibala autada. Et des montagnes, des piquets? Allah subhanahu wa ta'ala a fait des montagnes, al jibal, des piquets, autad, pour la terre. À l'image de piquets qui font qu'une tente tient debout. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, parlant de la terre, al-ard, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا. Et il a placé fermement sur elle des montagnes et l'a béni. Surat Fussilat, verset numéro 10. Et comme on va le voir, bi'idhnillah, le terme ici, rawasi, qui est le pluriel de rasi, ça fait référence à ce qui est fermement établi. Pour ça, donc, on a dit fermement. C'est lui qui a placé fermement sur elle des montagnes. À propos de ces piquets, les géologiens m'ont dit que les montagnes, elles sont comme dotées de racines profondément ancrées dans la terre, à l'image des fondations d'une bâtisse qui sont fermement ancrées dans le sol. Et à l'image également des piquets qui aident à tenir une tente. Ces piquets-là, donc, ils sont fermement ancrés dans le sol. Et c'est pour cela, donc, que tu trouves que ces montagnes-là sont fermement établies. Et que elles ne peuvent pas être ébranlées par le vent. Et tout cela démontre la perfection de l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala et la complétude de ses bienfaits. La perfection de l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'omnipotence, c'est la toute puissance. L'omniscience, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Et l'omnipotence, c'est le fait qu'il est capable de tout, azza wa jal. Et ce bienfait-là, il a exposé ici, est une preuve parmi les nombreuses preuves indiquant son omnipotence. Subhanahu wa ta'ala. Et mettant en évidence également la complétude de ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alam naj'alil arda mihada, والجبال أوتادا. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et des montagnes dépiquées? وخلقناكم أزواجا. Nous vous avons créé par couple. Par couple, c'est-à-dire par catégorie. Mâle, femelle, petit, grand, noir, rouge, malheureux, heureux, et ainsi de suite. Par couple. Par catégorie. Différente. En fonction de la volonté d'Allah, Azza wa Jal. Et en fonction de ce qu'implique sa sagesse parfaite, subhanahu wa ta'ala, et ce afin que les gens tirent des leçons de cela et se rendent compte encore une fois de l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa toute puissance et du fait qu'il est capable de faire que ces humains qu'il a créés d'une seule matière et à partir d'un seul pain se divise en différentes catégories, comme nous l'avons vu. وَجَعَلْنَاكُمْ وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجَا. Et nous vous avons créé par couple. Et nous avons expliqué donc ce qui est visé ici par le terme أزواج, couple, c'est-à-dire les catégories. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا. Et avons fait de votre sommeil un repos. Un repos, c'est-à-dire qu'il va venir mettre un terme à la fatigue. Car le sommeil met un terme à ce qu'il a précédé comme fatigue. Et c'est par le sommeil que l'être humain retrouve son énergie afin d'appréhender les initiatives qu'il va entreprendre par la suite. C'est pour cela que tu trouves que lorsque l'homme est fatigué, puis qu'il dort et se repose, c'est comme si son énergie se renouvelait. Et tout cela relève à nouveau des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui relève de ses nombreux signes, azza wa jal. À ce titre, il a dit, exalté soit-il, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Parmi ces signes, votre sommeil de nuit comme de jour, et le fait que vous recherchiez de ses faveurs. Surat al-Rum, verset numéro 23. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Ils ont fait de la nuit un vêtement. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la nuit, dans son lien avec la terre, est comme un vêtement. C'est comme si elle venait vêtir la terre et qu'elle était pour elle tel un djilbab. Et on ne peut connaître cette chose-là réellement qu'en s'étant élevé dans le désert. Et le shir, donc, de dire, nous avons d'ailleurs pu voir des signes étonnants lorsque nous avons pris l'avion et que nous nous sommes élevés dans le ciel et que nous avons vu que le soleil avait disparu et que par la suite nous l'avons vu réapparaître. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'est comme si la terre avait été vêtue d'un habit noir. Tu ne vois rien de la terre quand tu es dans les airs, alors qu'il fait nuit, tu ne vois rien de la terre. Tout est noir en dessous de toi. Et c'est là que t'apparaît clairement le sens de la parole de l'exalté. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Et avons fait de la nuit un vêtement. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Et avons assigné le jour pour vaquer aux affaires de la vie. Les affaires de la vie, le quotidien, que les gens vivent en recherchant leur subsistance, et ce en fonction de leur rang et de leur situation, et cela relève à nouveau des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dont il comble ses serviteurs. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Nous avons construit au-dessus de vous sept solides. Les sept solides, c'est-à-dire les sept cieux. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme étant solides, shidad, étant donné qu'ils sont littéralement forts, qawi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans la sourate Al-Dhariyat, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Quant au ciel, nous l'avons bâti avec force et nous l'étendons ainsi que votre subsistance. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Comme l'explique le Cheikh Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Ça vise à la fois le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait s'étendre le ciel, et également le fait qu'il y étend la subsistance de ses serviteurs. Sourate Dhariyat, verset numéro 47. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Quant au ciel, nous l'avons bâti avec force, et nous l'étendons ainsi que votre subsistance. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Et y avons placé une lampe très ardente. Ce qui est visé par la lampe ardente ici, c'est le soleil, الشمس, qui est une lampe éclairante. Et cette lumière là est une lumière ardente. Et elle est également doté d'une chaleur très intense. Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs décrit cette lampe, le soleil, comme étant wahhaj. Il a dit wahhaja, waja'alna sirajan wahhaja. Et y avons placé une lampe très ardente. Donc wahhaj, en un sens où elle est très ardente. Et sa chaleur durant les jours de l'été est très intense. Bien que le soleil soit à une très grande distance de la Terre. Donc qu'en est-il de ce qui est proche du soleil? Comment ressent-il cette chaleur intense? Il faut savoir que durant les jours de forte chaleur, la chaleur du soleil relève d'un souffle de la géhenne, Jahannam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la chaleur s'intensifie, rafraîchissez la prière. Rafraîchissez la prière, c'est-à-dire retardez-la un peu, comme à la prière de Dhuhr. Abridou bis salat, littéralement, rafraîchissez la prière. Lorsque la chaleur s'intensifie, rafraîchissez la prière. Retardez un peu là, la prière. Car l'intensité de la chaleur est un souffle de la géhenne. C'est un hadith qui est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète, alayhi salat wa salam, a également dit, l'enfer s'est plaint à Allah en disant, ô Seigneur, certaines de mes parties en ont mangé d'autres. C'est alors qu'il lui a autorisé deux souffles, un durant l'hiver et un durant l'été. Et c'est ce que vous retrouvez comme froid le plus intense et comme chaleur la plus intense. Ou comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wa salam, Et c'est recueilli par Al-Bukhari et Muslim également. Avec cela, avec cette chaleur intense, le soleil dégage de nombreux et grandioses profits pour les créatures. Il procure aux créatures de nombreux biens durant la journée, étant donné que, du fait que le soleil les éclaire, les créatures économisent de l'énergie qu'elles n'utilisent pas pour s'éclairer. Également, les créatures tirent du soleil de l'énergie. Il contient donc de nombreux profits et de nombreux intérêts. Également, c'est par le soleil que les fruits arrivent à maturité. Et d'autres parmi les nombreux profits que l'on peut tirer de cette lampe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans le ciel pour ses serviteurs. Après avoir cité cette lampe très ardente qui produit cette chaleur et également cette sécheresse, Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention de ce qui vient s'opposer à cela en disant « وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا » et avons fait descendre des nuées, littéralement des essoreuses, une eau abondante. « وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا » et avons fait descendre des nuées, donc littéralement des essoreuses, une eau abondante. L'eau, elle contient donc à la fois l'humidité et la fraîcheur. Et c'est par cette eau que sortent de la terre toute catégorie de fruits. Et c'est par cette eau qu'elles vivent. Et lorsque l'eau du ciel vient s'ajouter à la chaleur du soleil, il en résulte le fait que les fruits arrivent à maturité et qu'ensuite ils sont à la disposition des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ » et avons fait descendre des nuées, littéralement des essoreuses, al-mu'sirat. Ça vise les nuages, al-mu'sirat. Ici, ça désigne les nuages. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits de la sorte en les qualifiant d'essoreurs, car c'est comme si cette pluie était le résultat d'un essorage. Lorsqu'il descend, c'est comme si donc un habit était essoré. Car l'eau, elle vient passer entre ces nuages-là et elle se précipite de ces nuages et elle sort de ces nuages comme de l'eau sortirait d'un habit que l'on a essoré. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié les nuages ici, les nuées, de mu'asirat, des soreurs ou des soreuses. Puis il a dit, ma'an thajjaja. Et avons fait descendre des nuées, donc littéralement des soreuses, une eau abondante. Du fait qu'elle tombe en abondance. Et avec force. Afin que la terre soit irriguée. C'est d'ailleurs pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا pour faire pousser par elle grains, plantes وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا et jardins s'entrelaçant حَبًّا وَنَبَاتًا. Donc les grains et les plantes pousse de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir de la terre toutes sortes de récoltes issues justement de ces grains, que ce soit le blé, ou encore l'orge, ou le maïs, ou autre. Également les plantes, c'est que les fruits, que les figues, les raisins, et ce qui s'apparente à cela. « Wa jannatin alfafa » et « jardins s'entrelaçant ». Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ces jardins comme étant « alfafa », c'est-à-dire s'entrelaçant, les uns les autres, du fait de leur abondance et de leur beauté, du fait que ces jardins sont dotés d'arbres touffus, à tel point que ces derniers cachent ce qui se trouve à l'intérieur de ces jardins du fait de leur abondance. Et c'est ainsi que tu trouves que ces jardins s'entrelacent les uns les autres. Avec ces arbres dotés de troncs, qui eux aussi poussent du fait que l'eau issue du ciel vient s'ajouter à la chaleur du soleil. Ces différentes plantations, ces différentes plantes, ces différentes fleurs, ces différents fruits peuvent pousser aussi bien directement qu'après que les hommes aient extrait l'eau de la terre afin de les irriguer. Car il faut savoir que l'eau qui est dans la terre, c'est quelque chose de connu, est justement issue de la pluie. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. Et nous faisons descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Sourate Al-Hijr, verset numéro 22. L'exalté a également dit dans un autre verset: فسلكه ينابيع في الأرض. Puis il l'achemina vers des sources dans la terre, c'est-à-dire l'eau. Puis il l'achemina vers des sources dans la terre. Puis il achemina l'eau vers des sources dans la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait mention, de ces différents versets, de ces différents bienfaits, excusez-moi, dont il comble ses serviteurs dans ce bas monde. Et après avoir rappelé à ses serviteurs ses nombreux bienfaits, il leur a rappelé situation terrible, la situation du jour dernier, qui est le lieu dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va réunir les premières et les dernières générations. Et il a dit à ce sujet-là: inna yawma al-fasli kana miqata, jusqu'à la suite des versets que nous verrons ultérieurement si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.